affiché au compteur la énième de haine. Appelle-moi l'inquisiteur, j'en profite en ce jour de fête pour vous le dire, qu'à travers ce discours que je suis cool malgré les dires. Mais ça va changer, car je suis apte à de nouvelles résolutions. Mais je suis indépendant, j'ai besoin de personne pour une révolution. Je vais nettoyer mes amis, comme si c'était un mécène, et polluer le showbiz à travers chacune de mes scènes. Regarde mes cernes, tu verras la source de ma fatigue. Les gens me perdent avec leur médecine homéopathique. Je vais travailler davantage pour clouer le bec aux jaloux, aux oubliettes le partage. Maintenant c'est chacun pour ses yukous. Si je donne plus de nouvelles, pas la peine d'en donner. C'est que de toi je m'en balance, ben ouais faut pas s'étonner. Rien plus cher que la famille, je ne parle pas des amis, car un jour dans la famine, ils deviendront tes ennemis. Je suis trop bon pour manquer de respect à qui que ce soit, mais c'est décidé, ça aussi je vais changer dès ce soir. Il y a des hypocrites, des grandes gueules, des connasses, des bâtards, des bourgeois bourrés de flics, des toxicos, des taulards. Ces têtes de bites sans capote se sentiront visées. Moi j'assume ce que je dis et ce qu'il y a dans mes pensées. Bonne ou mauvaise résolution, peu m'importe, je n'ai besoin de personne pour avoir mon linge propre. 2009 marquera mon année, tu penses bien, ouais. Je débarque avec un son tout neuf qui va faire parler du son vrai, avec une petite touche du sud aromatisé, du romantisé, comme si c'était une série télévisée. Télévisée, cette vermine qui dans le rap me sous-estime. Sache bien mec que ton rap vaut même pas 20 centimes. Plus de sentiments pour toutes sortes de médisants. Depuis mes 10 ans, je n'entends plus que des soi-disant. Délicats sont mes vers, comme pour ceux qui me la font à l'envers. C'est l'envers du décor pour moi, c'est rouge et vert. Et déco, j'en alignerai la suite de mes lignes, car je suis résigné comme un sexe avec une douce féline. Je félicite ceux qui m'ont donné l'envie de changer. Je sais que ça va jaser, et des coups je vais en échanger. Je rapperai avec le cœur, pour tous vous estomaquer. L'estin m'a marqué, donc je vais sortir une bête de maquette. Je compte vider mes tripes sur papier en chantant ma rage. Sur mon city trip du rap, je forcerai tous vos barrages. Dans les parages, ça sent les sales coups, les casse-couilles. Moi je suis un casse-cou, et c'est pour ça que je casse tout. Depuis ce deuxième millénaire, pas un, ma millénaire. De plus, l'état nous baisse tous en missionnaire. À chaque titre, je laisse un message de révolution. Je joue palpite, une minute de silence pour mon évolution. Auteur-interprète, je représente rien ni personne. Je laisse Dieu au prêtre, tant pis si mon heure sonne. Je continue même si je suis pas black pour faire du rap. Je fais pas black, mon son, une éjaculation durable. Pique à droite, cœur à gauche, du bon son pour le courage. Le hip-hop, c'est mon leurre, c'est ma façon de calmer ma rage. Pour l'avenir, je rapperai avec ma tête. Si t'écoutes ce morceau, c'est que t'as téléchargé la mixtape. Je fais des choses parfois bizarres dans ma vie. Début 2009, c'est le bizarre avant la pluie. Le tonnerre, tu le sortiras quand je m'énerverai peut-être. Je suis pas scélère à moi, je veux juste qu'on me respecte. En solo, je vais dépendre de personne, c'est ça ma vision. Je m'en fous de vendre et de passer dans ta télévision. Je veux pas être connu, juste mon QI, juste pour faire passer un message. Être reconnu serait déjà bon début à mon âge. Pour certains, c'est de trouver l'amour de leur vie. Pour d'autres, c'est de dire la vérité, quoi qu'il arrive. Des vérités, j'en ai plus de 4 à dire si vous saviez. Mais je trace ma route et peuvent me dire ne me fera dévier. Et les salades, tout rap, je vais toutes les éplucher. Une par une, je les claque à coups de rime de boucher. T'as ma parole, beaucoup de choses vont changer. Je vous doublerai tous dès que j'en aurai l'opportunité. Pas besoin d'être coaché, moi je veux tous vous scotcher. Les tapettes en dolce, allez tous vous cacher. Je ramasse mon cachet, sors mes sauces du cachot. Ceux qui se la jouent qu'à sauce, ils se feront lyncher. Enfin bref, j'entame 2009 avec ces résolutions. Car être trop bon n'a pas toujours été une bonne solution. Seul contre tous, je m'en vais tout déraciner dans ma croisade. Inox l'inquisiteur, ce fut le calme avant l'orage. Besoin de résolution, on attend toujours la nouvelle année. C'est assez ta pollution que l'on est tous condamnés. Moi j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, de ce que tu dis. Moi je resterai le même, et ce quoi qu'il arrive. Besoin de résolution, on attend toujours la nouvelle année. C'est assez ta pollution que l'on est tous condamnés. Moi j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, de ce que tu dis. Moi je resterai le même, et ce quoi qu'il arrive. Besoin de résolution, on attend toujours la nouvelle année. C'est assez ta pollution que l'on est tous condamnés. Moi j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, de ce que tu dis. Moi je resterai le même, et ce quoi qu'il arrive. Besoin de résolution, on attend toujours la nouvelle année. C'est assez ta pollution que l'on est tous condamnés. Moi j'en ai rien à foutre de ce que tu penses, de ce que tu dis. Moi je resterai le même, et ce